Chapitre 3e, le lever de l'empereur. Un an peut-être après les événements que nous venons de raconter, c'est-à-dire le jour des îles de juillet, et sous le consulat de Caius Caligula, seul consul, plusieurs personnages traversaient le temple de Castor et de Pollux et allaient attendre le lever de l'empereur dans l'atrium de son palais bâti par Tibère au pied du mont Palatin. Ce palais avait été réuni à celui d'Auguste, et ces deux vastes édifices devaient un nouvel agrandissement à l'ingénieuse imagination de Caligula. Dans son orgueil sans frein, il s'était mis en tête que pour lui, membre de la famille céleste, il était convenable d'avoir des dieux pour portiers, et il avait prolongé l'une des ailes du palais du côté du forum jusqu'au temple de Castor et Pollux, dont il fit son vestibule. Voilà pourquoi on traversait un temple pour arriver jusqu'à lui. Le soleil dardait de ses rayons les portiques de marbre du péristyle intérieur, et l'aiguille du gnomon indiquait la troisième heure de jour. Des personnages consulaires, des députés des provinces, le préfet des cohortes et celui de la ville, l'édile Vespasien, l'éloquent Domitius Afer, hier l'ennemi de César, aujourd'hui son protégé, des sénateurs, des chevaliers, mêlés à de vils délateurs et conduits au palais par les affaires de l'État, ou par l'irrésistible besoin d'une cour intéressée, s'entretenaient par groupes dans la salle des ancêtres. Le vieux Cassius Gerea, tribun des cohortes prétoriennes, entouré des centurions de service, venait chercher les ordres de la journée et demander le mot à César. Le chanteur appelé, Calliste, Pallas et autres affranchis, familiers de la maison de l'empereur, s'entendaient pour régler ses plaisirs, et le Bowmanster, un poignard à la main, figurait devant la statue d'Auguste les poses du myrmillon combattant le récière. Sur l'habit d'Hélicon, qui, d'esclave cubiculaire, s'était élevé aux fonctions de grand chambellan, cette foule pénétra dans les appartements du prince. Elle le trouva assis sur un siège élevé. Ses épaules étaient couvertes du manteau de pourpre brodé de palme du triomphateur, et sa tête, presque chauve, ceinte d'une couronne de laurier. Il tenait un sceptre d'or avec une gravité affectée. Au lieu de donner, suivant l'usage, sa main à baiser, il présenta aux arrivants un pied chaussé d'un riche cothurne afin que chacun pût, en y imprimant ses lèvres, admirer les perles et les pierres précieuses qui le décoraient. Il eût été dangereux de résister à cette nouvelle fantaisie du tyran, et l'on s'exécuta de bonne grâce. À cette vue, cependant, un centurion ne put s'empêcher d'invoquer en silence la sage Minerve en faveur de César. Il avait vu ce fils de Germanicus grandir au milieu des camps, et il se souvenait de la bottine militaire portée par ses pieds enfantins. Cette Caliga, qui lui méritait l'amour des légions, est le surnom populaire de Caligula. Le premier personnage que l'empereur interpella au milieu de la foule fut naturellement Charmis, le médecin de son cheval. « Quelle nouvelle d'Incitatus ? » lui cria-t-il en langue grecque. « Bonne, César, » répondit Charmis. « Plaise à Apollon qu'il en soit toujours ainsi. » ajouta Caius, sans quoi je te fais fouetter de verges en plein forum, une fourche au cou pour te punir de ton manque d'habileté. Celui que les devoirs de sa charge appelèrent ensuite près de l'empereur fut le tribun des cohortes. Cassius Gerea, vieilli sous l'étendard, était un intrépide soldat et de plus un cœur d'une droiture éprouvée. Simple centurion pendant les révoltes des légions de Germanie, il avait su conserver sa vie en se frayant un passage, l'épée à la main, à travers les séditions en délire. Mais Caligula ne pouvait lui pardonner quelque chose de languissant dans la prononciation. C'était pour lui un sujet de constante raillerie. « Salut, vieillard lâche et efféminé, lui dit-il. Ta vue m'inspire une heureuse pensée. Avec les deniers des provinces gauloises, je vais faire construire un temple à la mollesse, et tu en seras le grand prêtre. En attendant cet utile échange de fonctions, voici le mot du jour. » Et lui souffla à l'oreille, mais mort, le nom d'un eunuque qui remplissait d'infimes fonctions dans la maison impériale. Gerea dévora l'affront sans se plaindre. On put cependant l'entendre murmurer. « Certes, je me souviendrai. Et maintenant, dit l'empereur, que va m'apprendre le préfet de la ville ?» La garde de nuit a arrêté deux esclaves qui en venaient aux mains sur la voie Flamine, dit celui-ci, qui s'appelait Rutilius. « Un bel exploit, répondit l'empereur. Et que me font ces deux ivrognes ? Cela avait lieu devant la maison d'Incitatus. Les misérables ont oublié le respect dû au cheval de l'empereur. Qu'on les enferme dans un sac et qu'on les jette au Tibre. Y a-t-il encore d'autres affaires à soumettre à mon tribunal ? César, dit l'ancien consul. Apronius, Caesinus, Philon et les députés juifs d'Alexandrie lèvent aux portes du palais leurs mains suppliantes. Ai-je le temps de les entendre ? S'écria Caligula, la colère sur le visage. Que Jupiter les foudroie ! Narcisse, quelle victime a-t-on immolée dans mon temple à ma divinité ? Une brebis, César. Le sang d'une vulgaire brebis me devient odieux. Fais savoir mes prêtres qu'ils doivent désormais ne m'offrir en sacrifice que des paons, des pintades ou des oiseaux du phase. Tu ajouteras que dès aujourd'hui j'adjoins leur collège mon oncle Claude avec un citatus, et j'espère que ce dernier n'en sera pas le moins digne personnage. En tout autre temps, une si étrange nouvelle eût jeté la stupeur dans l'assemblée. Mais l'adulation était descendue chez les courtisans à un tel degré de bassesse que nul n'osa élever la voix contre cette monstrueuse impiété. « C'est assez pour le moment des affaires de l'État, » continua l'empereur. « Elles sont sagement réglées ce matin. Je vais annoncer moi-même la dignité que je lui confère à mon cher Incitatus, qui court après-demain au cirque Flaminius. Or, je vous convie tous à suivre mes pas, afin que vous jugiez par vous-même du goût exquis avec lequel l'architecte Labéo vient de l'installer dans la nouvelle demeure que je lui ai donnée. Caesianus, amène-moi ces juifs. Incitatus me disposera peut-être à les écouter. » Un murmure approbateur accueillit ces paroles, et Caius se leva précipitamment, entraînant sa cour avec lui.